para sair no contra-ataque. E tem contra-ataque agora e tem condição legal. Condição legal, o Vitor dava condição. Tuta na grande área, puxou pro meio, driblou, rolou pro Lene, bateu. Jamais le côté comme un LK, j'ai trop de flow comme Rony. Je servirai d'un ballon comme d'un chromie. J'suis de speed et de beat, tout petit comme Thierry Henry. Pendant que mes folles conneries, j'vente mon art à mal. Mais j'n'ai pas le budget du Arsenal. Ici y'a plus d'arbitre pour ceux qui jouent les fous, font les pites. Le mal habite sous les maillots, les hypocrites. Change ton numéro, appelle-moi R.O. Nado, R.O. Berto Carlos. J'prends le micro comme la balle, j'm'en débute quand j'ai la dalle. Et dans le rap, j'suis comme Zidane, le meilleur club du monde, le drap. Reste leader de ma clique, numéro 10 de ma team. Et dans le monde du peux rap, personne ne me sous-estime. Quand je rase, c'est pas décroché, personne ne peut me faucher. Mais faux, moi je l'écorche, le micro d'or, voilà mon projet. Jamais de faute, jamais de faille, non. Personne ne fait la taille, non. Putain de dédicace à GTA et Messi, ouais. L'attaque c'est la défense, j'marque à la culotte la faiblesse. Et tentative de percer, manque de pointe comme Jiménez. Au goal, j'ai mon mental, introuvable comme Thomas Braille. Je mets pas de gants quand j'écris, même blessé au bras. Gros sur la touche, j'sais pas y'a qui, moi je l'occupe pas. J'suis pas la doublure d'Oranger, à la coupée. La spin numéro 10, organise à la Ronnie. Mal fait, j'passe en retrait, j'préfère la discrétion. Sans ironie, je garde mon contrôle offensif comme de mélo. Je ne m'en pars, on prend la vie de m'y voler. J'ai mon talent qui marque des buts et puis qui marque mon ego sur chaque son. J'ai le but de la victoire comme très égaux. Je mets la pression comme Roy Keane, tac dans les jambes. Et coup dans la poitrine, à part de gris, gris, passe. Passe ma tête de taquine comme celle du Barça. Tiens, je te passe avec des petits bons à la manière de Deco. Je te mets des buts ghetto comme Samuel Eto. J'ai la dégaine de Kalou et la carrure de Carou. Donc viens pas t'es, je suis en poids lourd. Un casque et toi tu passes pas, c'est normal. Dans la crise c'est casse à pas, à l'attaque sans rip au l'état. Donc les gars déconnez pas, le potentiel vous fera faire des cauchemars. Et si tu veux la lucarne, bah appelle j'ai Joe Kocha. Je prends le micro comme la balle, je marque des buts quand j'ai la dalle. Et dans le rap j'suis comme Zidane, le meilleur club du monde, le drap. Reste leader de ma clique, numéro 10 de ma team. Et dans le monde tu pleuras, personne ne me sous-estime. Quand je rap c'est pas décroché, personne ne peut me faucher. Mais faux, moi je l'écorche, le micro d'or, voilà mon projet. Jamais de faute, jamais de faille, non. Personne ne fait la taille, non. Putain dédicace à GTA et merci, ouais. Je vise la lutte en bas la troisième salle technique comme Henri à Arsenal. À la Carlos sur des bastos, ce rap peut s'appeler Barthez. Les wax sur le terrain patiné, numéro 10, mais si c'est patiné. Je veux le ballon d'or, le micro d'or, vous dans ta tête ça dort. Débutant d'espace, tu restes au poste remplaçant. Messi One premier impact, panel K, ça rentre dedans. On a la dalle de bif, donc je fais que des tacles assassins. Tape des ciseaux comme si c'est pas besoin de te faire un dessin. Je te fais mal comme le match France-Sénégal. Pour mes boucles de last, tu tapes le foot toute la night. C'est hardcore en France, Algérie, demande à tu rames. Dès que t'es pas les Wack MC rame. Ici bas, la formation c'est pas 4-4-2. Placé 1-8-7, sur le terrain on passe en 1-2. Avec Rony à ma droite, Robinho à ma gauche, Maradona derrière moi, Enesta qui te fauche. On est tous hauches, à la David quand on a prêt à taper public. Quand on perd, quand on a la rage de la défaite. Passe-moi le jump crochet virgule est toujours là pour placer une tête. Trop la haine, on est tranquille tellement habile. Qu'on part en brésilienne dans ta surface, c'est trop facile. La ola commence, je dribble comme je chante. Dans ta défense, avec une aisance, des concerts. Prends le micro comme la balle, je marque des buts quand j'ai la dalle. Et dans le rap, j'suis comme Zidane, le meilleur club du monde, le drap. Reste leader de ma clique, numéro 10 de ma team. Et dans le monde du pleuras, personne ne me sous-estime. Quand je rap, c'est pas décroché, personne ne peut me faucher. Mais faux, moi je l'écorche, le micro d'or, voilà mon projet. Jamais de faute, jamais de faille, personne je fais la taille, non. Putain dédicace à GTA et Messi One. Y'a rien de promis, la bonne parole je viens prôner. rencontre, les supporters me scandent et tombent sous le charme et s'y détend. C'est les derbies du sous des pas de match nul. Et quand ça se calme, les manches on les retrousse au cas. Il faut être aux aguets, zigzaguer comme Henri Tresséqué. J'ai la balle aux pieds et les boules aux pieux. J'ai besoin des pieds, je trouve speed. J'ai pris la tête du grand DJ. J'ai la balle aux pieds et les boules aux pieux. J'ai besoin des pieds, je trouve speed. J'ai pris la tête du grand DJ. Je prends le micro comme la balle, je marque des buts quand j'ai la dalle. Et dans le rap, je suis comme Zidane, le meilleur club, je prends le drap. Reste leader de ma clique, numéro 10 de ma team. Et dans le monde du peu rap, personne ne me sous-estime. Quand je rappe, c'est pas décroché, personne ne peut me fancher. Les faux, moi je les torche, le micro d'or, voilà mon projet. J'avais de faute, j'avais de faille, personne ne fait la taille. Putain, dédicace, je t'y aille, Messi One. Quand il a le ballon dans les pieds, c'est une bombe, c'est une bombe.